الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الناس إن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا بل خلقنا لنعبده ونفرده بالعبادة وحده لا شريك له خلقنا لطاعته ولكن يقع منا التقصير والغفلة وكم من الناس تراهم كأنهم لم يخلقوا إلا للمعصية إلا للذنوب والعياذ بالله عباد الله اتقوا الله وراقبوه يجب علينا أن نخرج من يجب علينا أن نتخلص من ذنوبنا وأن نستيقظ من غفلتنا اعلم يا أخ الإسلام أن العبد مهما بلغ من الصلاح لن يبلغ الكمال يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمهم الله فالتوبة واجبة على جميع الناس بل الهدف في هذه الدنيا أن تخرج منها وأنت خفيف الذنوب تلقى الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة وأنت خفيف الذنوب التوبة هي الرجوع عن معصية الله تعالى إلى طاعته وقد تكاثرت الأدلة على وجوب التوبة والحث عليها قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وقال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون دلت الآيتان الكريمتان على وجوب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب وأنها عبادة محبوبة إلى الله تعالى فلا يأمر الله سبحانه وتعالى شرعا إلا بما يحب ودلت الآيتان على أن التوبة سبب الفلاح في الدنيا والآخرة تكفير الذنوب والفوز بدخول الجنة نسأل الله الجنة والتوبة فعل الأخيار الأبرار قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس يخاطب الصحابة الأبرار ويقول لهم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة رواه مسلم. وقد مدح الله تعالى التائبين في القرآن وأخبر بحبه إياهم فقال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عباد الله التوبة واجبة على الفور، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حثا لنا على التوبة هذه العبادة العظيمة، وحثا لنا على عدم القنوط من رحمة الله. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالليل ليتوب ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وعن صفوان بن عسال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من قبل المغرب بابا مسيرة عرضه 40 عاما أو 70 سنة فتحه الله عز وجل للتوبة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه الترمذي وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا أصاب ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال له رب علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ به فغفر له. وكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أي أخبر أن هذا العبد عاد إلى ذنب آخر ثم عاد فتاب إلى الله واستغفر وطلب منه المغفرة فغفر الله له. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله غفرت لعبدي فليفعل ما شاء متفق عليه. ومما يحثنا على التوبة إلى الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند مسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حيث يتوب إلي من أحدكم كان على راحلتي بأرض فلاه فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بقطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى مع كمال غناه يفرح بتوبتك أنت أيها العبد الضعيف الفقير إلى الله سبحانه وتعالى المحتاج إلى عفوه ورحمته جل وعلا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قلت يا رسول الله أوصني، قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله قال هي أفضل الحسنات، رواه أحمد. وفي القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال إن الحسنات يذهبن السيئات عباد الله، من تاب تاب الله عليه ومسح ذنوبه كلها وكثر حسناته، وقد يمن الله سبحانه وتعالى عليك بتبديل سيئاتك حسنات، بتبديل سيئاتك حسنات بفضله وإحسانه وجوده تبارك وتعالى. قال الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه رحمة الله لعباده. وعن أبي طويل أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، أي لا صغيرة ولا كبيرة، إلا أتاها، فهل لذلك من توبة؟ من أكثر من الذنوب وأثقل نفسه بالذنوب فهل له من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الناصح الأمين، فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن، أي يبدل الله سيئاته حسنات. وغدارتي وفجارتي؟ قال: نعم. قال الرجل: الله أكبر، فما زال يكبر حتى توارى. رواه البزار. شروط التوبة: الإقلاع عن الذنوب والندم والعزم على عدم العودة إليه، والعزم على عدم العودة إليها، وكل ذلك تفعلها أيها المسلم وأنت ترجو عفو الله وأنت مخلصا لله، وهذا فيما بينك وبين الله. وإذا كان ذنب بينك وبين عبد من عباد الله يجب عليك أن تصلح ما أفسدت. ومما يعينك على التوبة إلى الله استحضار إنعام الله عليك بنعمه الكثيرة ومحبته فوق كل المحب، والخوف منه وتذكر النار وعذاب من سبقنا من الأمم السالفة، كيف عذبهم الله لما عصوه وعصوا الرسل. ورجاء، ومما يعينك أيضا رجاء الله، وأعدم من كل ذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته، وأكبر من كل ذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته. قال الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله قابل التوب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. Chers frères, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créés en vain et ne nous a pas délaissés. Il nous a plutôt créés pour une sagesse immense. Le fait de l'adorer d'un culte sincère et de nous détourner de l'adoration de tout autre que lui subhanahu wa ta'ala. Il nous a créés pour qu'on lui obéisse. Mais la personne, quelle que soit sa piété, elle est sujette à l'erreur. Elle ne pourra pas atteindre la perfection. Et par miséricorde pour ses serviteurs, Allah subhanahu wa ta'ala leur a légiféré une adoration qui est une des plus belles adorations, le repentir. Et la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a ouvert la porte du repentir afin qu'on revienne vers lui, afin qu'on s'humilie et qu'on lui demande pardon pour tous nos manquements et pour tous nos péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tout fils d'Adam est sujet à l'erreur, tout fils d'Adam est pécheur, tout fils d'Adam tombe dans la faute, et le meilleur de ceux qui font des fautes sont ceux qui se repentent. De ce hadith, on tire que personne ne peut atteindre la perfection et que nous sommes tous sujets à l'erreur. C'est donc une obligation pour l'ensemble de se repentir et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus grand repentir est le fait de sortir de la mécréance et du polythéisme vers l'islam et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis des grands péchés vers la droiture, puis le délaissement des petits péchés. Et le but du serviteur lorsqu'il quitte ce bas monde, c'est de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec le moins de péchés possible. Avec le moins de péchés possible. Le repentir, c'est le fait de sortir de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de délaisser les péchés et de se diriger vers son obéissance et la droiture. Et les textes coraniques ou prophétiques sont venus pour nous encourager au repentir et nous montrer le caractère obligatoire de cela. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut qu'Allah vous pardonne vos péchés, vous fasse entrer au paradis dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux jusqu'à la fin du verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, afin que vous récoltiez le succès. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous rend obligatoire le fait de se repentir et de lui demander pardon. Et nous annonce la bonne nouvelle, et annonce la bonne nouvelle à toute personne qui reviendra vers Allah et qui demandera pardon pour ses péchés, la bonne nouvelle du pardon de l'ensemble de ses péchés. La bonne nouvelle de l'entrée au paradis, et dans le deuxième verset, la bonne nouvelle de la réussite. La réussite totale dans ce bas monde. Allah te préservera du feu de l'enfer ou également dans l'au-delà et te permettra d'entrer au paradis. Et le repentir est l'action des meilleurs. Et le repentir est l'action des pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ô vous les gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon. car je demande moi-même pardon à Allah 100 fois par jour. Or que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la créature la plus pieuse, celle qui connaissait le mieux Allah, celle qui atteint la perfection humaine, il se levait la nuit, passait une grande partie de la nuit en prière, jusqu'à ce que ses talons s'effritent. Et Aïcha radiallahu anha lui disait, ô messager d'Allah, tu fais cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Et il lui répondait, ne devrais-je pas donc être un serviteur reconnaissant, ô Aïcha? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait énormément pardon à Allah et a encouragé sa communauté à faire de même. Et Allah subhanahu wa ta'ala fit l'éloge de ses serviteurs repentants dans le Coran. Et il nous dit, ceux qui commettent des turpitudes ou font de l'injustice à leur égard, puis se rappellent d'Allah, puis demandent pardon à Allah pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Ils ne persistent pas dans la désobéissance et ils ont connaissance. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend qu'on peut tomber dans l'erreur. Mais lorsque nous nous rappelons d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne devons pas persister. Nous devons demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, nous éloigner du péché et revenir vers son adoration et la droiture. Allah nous dit dans le Coran, certes Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Allah aime celui qui se repent. Ô toi le serviteur, tu entends ce verset du Coran, tu entends qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime celui qui lui demande pardon. Ne vas-tu pas revenir vers Allah? Ne vas-tu pas lui demander pardon pour l'ensemble de tes péchés? Sachez, chers frères, que le repentir est une obligation et que nous n'avons pas le droit de retarder le repentir de pour nos péchés, la demande de pardon à Allah pour nos péchés. Mais malgré cela, l'étendue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala fait que même si la personne tarde à se repentir, puis revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah accepte son repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, afin de nous encourager à nous repentir, afin de nous mettre en garde contre le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah étend sa main la nuit pour accepter le repentir de ceux qui ont péché la journée. Certes Allah étend sa main la nuit pour accueillir le repentir de ceux qui ont péché la journée. Il étend sa main la journée afin d'accueillir le repentir de ceux qui ont fait des péchés dans la nuit. Et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a vers l'ouest une porte dont la largeur équivaut à 40 ans. Il y a vers l'ouest une porte dont la largeur équivaut à une quarantaine d'années ou à 40 ans. Allah subhanahu Allah azza wa jal l'a ouverte pour le repentir. Voici la porte du repentir. Elle a une largeur de 40 ans. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a ouverte pour le repentir le jour où il a créé les cieux et la terre. Et elle ne se fermera, il ne la fermera pas jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. Jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Ouest. Cette porte du repentir est grande ouverte. On doit donc revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander pardon pour l'ensemble de nos péchés. Et la personne pourrait se dire, moi j'ai trop de péchés et j'ai trop désobéi Allah subhanahu wa ta'ala. On lui rappelle ce hadith afin que cette personne ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est un combat entre toi et Shaytan. Et c'est un combat entre toi et ton nefs. Par moment tu gagneras et par moment tu te feras battre. Mais reviens toujours vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que tu fais cela, Allah accueillera ton repentir et te pardonnera tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il y a un serviteur qui a commis un péché. Et il a dit, ô mon Seigneur, je t'ai désobéi, j'ai commis un péché. Pardonne-moi. Alors Allah a dit, mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait pour les péchés et qui châtiait pour les péchés. Mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait les péchés. Il a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait les péchés et qui châtiait pour les péchés. Alors je lui ai pardonné. Ensuite, ce serviteur est retombé dans le péché. Il est revenu vers Allah et a dit, « Ya Allah, j'ai commis un péché, je t'ai désobéi. Pardonne-moi. » Alors Allah a dit, « Mon serviteur a su qu'il avait un Seigneur qui pardonnait les péchés et qui châtiait pour les péchés. » Et le prophète sallam a répété plusieurs fois cela. À la fin du hadith, il dit, « Allah a dit à la fin, j'ai pardonné à mon serviteur qu'il fasse ce qu'il veut. » Subhanallah. J'ai pardonné à mon serviteur qu'il fasse ce qu'il veut. Qu'est-ce qui pourrait désespérer de la miséricorde d'Allah après cela si ce n'est les égards? Et parmi les choses qui nous aident à nous repentir, le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit, le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content de te voir te repentir. Le prophète sallam nous dit, Allah se réjouit encore plus du serviteur de se repentir, du repentir de son serviteur, pardon, que de la personne qui est dans le désert, avec sa monture. Sur sa monture, il y a sa nourriture et sa boisson. Ensuite, il perd sa monture. Et elle se sauve. Et il y a sur cette monture sa nourriture et sa boisson. Alors il va auprès d'un arbre et désespère. Il se met à l'ombre de cet arbre-là et a désespéré de retrouver sa monture. Alors qu'il est ainsi, il revoit sa monture. Il se lève, l'attrape par les rênes, puis dit, tellement il est heureux et tellement il se réjouit, « Oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » Sa langue a fourché, tellement il était heureux. Ben sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit encore plus du serviteur de son repentir. Pourquoi cela? Pas parce qu'Allah a besoin de notre repentir. Allah huwa al-ghaniyul hamid, wa anta al-faqir, wa nahnu al-fuqara'u ilayhi. Mais Allah se réjouit car il peut soit te châtier pour ton péché, soit te faire miséricorde et avoir pitié de toi et t'effacer ton péché. Et il préfère te pardonner que te châtier. Et Abu Dhar a dit au prophète sallam, fais-moi des recommandations. Il lui a dit, lorsque tu fais un péché, fais suivre cela d'une bonne action, cela l'effacera. Après Abu Dhar radiallahu anhu a dit, ô messager d'Allah, est-ce que la ilaha illallah fait partie des bonnes actions? Est-ce que parmi les bonnes actions qui effacent les péchés, il y a la ilaha illallah? Alors le prophète sallam lui a dit, la ilaha illallah, c'est la meilleure action. La ilaha illallah, afdalul hasanat. Et dans le Coran, Allah nous dit, certes la bonne action efface la mauvaise. Certes la bonne action efface la mauvaise. Et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala peut te toucher à un point où Allah peut te combler en t'effaçant tes péchés et en te transformant tous ces péchés en bonnes actions si tu reviens vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ceux qui ne donnent pas d'associé à Allah, ceux qui n'invoquent pas d'autre divinité avec Allah et ne commettent pas de crime, ils n'assassinent personne, ils ne commettent pas l'adultère, et celui qui fait cela encourra une punition, sauf celui qui se repent, fait de bonnes actions. Voici ceux à qui Allah transformera leurs péchés en bonnes actions. Voici ceux dont Allah transformera leurs péchés en bonnes actions. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu le voir et lui a dit au messager d'Allah, vois-tu, si un homme a commis beaucoup de péchés, il n'a pas laissé un péché sans le commettre. Il n'a pas délaissé ni les petits péchés, ni les grands péchés, sans les commettre. Est-ce que cette personne-là peut se repentir au messager d'Allah? Le prophète sallam lui a dit, est-ce que tu t'es soumis à l'islam? Est-ce que tu t'es converti à l'islam? L'homme lui a dit, je témoigne que nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Il a dit, ashhadu an la ilaha illallah. Et je témoigne que tu es le messager d'Allah. Et il a dit, wa ashhadu annaka rasulullah. Alors le prophète sallam lui a dit, fais les bonnes actions, délaisse les mauvaises, et Allah te transformera tout ça en bonnes actions. Et Allah te transformera tout ça en bonnes actions. Cet homme-là s'est étonné. Et il a dit, mes petits péchés, mes grands péchés. Le prophète sallam lui a dit, oui. Alors il n'a cessé de dire, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tellement il s'est réjoui de cette bonne nouvelle. Et pour que ton repentir soit sincère, accepté auprès d'Allah, il y a plusieurs conditions. La première, délaisser le péché. La deuxième, regretter la désobéissance. La troisième, avoir la ferme intention de ne plus retomber dans ce péché. Et tout cela, tu dois le faire sincèrement, à la recherche du pardon d'Allah et de son agrément. Ça, c'est si le péché entre toi et Allah. Maintenant, si c'est un péché entre toi et un serviteur d'Allah, tu dois ajouter à ces conditions le fait de réparer la chose. Si tu lui as volé de l'argent, tu le rembourses. Si tu as menti sur lui, tu rétablis la vérité, et ainsi de suite. Et pour conclure, sachez qu'il y a des causes qui aident au repentir. Et la plus grande cause, c'est de connaître Allah à travers ses noms et ses attributs. Le fait de savoir qu'Allah est pardonneur, miséricordieux, indulgent, reconnaissant, qu'il pardonne. Le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et sa miséricorde t'aidera à revenir vers lui. Le fait de méditer sur tous les bienfaits qu'il t'a donnés. Comment est-ce que tu peux utiliser ces bienfaits pour lui désobéir? Le fait d'avoir peur d'Allah et de savoir qu'il te surveille. Le fait de lire le Coran. Le fait de lire la description de l'enfer. Le fait de te rappeler que tu vas mourir et revenir vers lui. Et que tu vas te tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et personne ne pourra rien faire pour toi et tu seras seul avec tes actions. Le fait d'espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pardon, tout cela t'aidera à revenir vers lui et lui demander pardon. Et sache qu'Allah a ordonné au prophète sallam d'enseigner aux serviteurs du Coran en disant: informe mes serviteurs que je suis le grand pardonneur et le miséricordieux, et que ma menace et mon châtiment est le châtiment douloureux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت العزيز الغفار والحمد لله. تراسب هاد بين المناكب والأقدام وسد الخلل تراسب resserrez les rangs, resserrez les rangs, collez vos épaules avec les épaules et les chevilles avec les chevilles. C'est valable pour les hommes et pour les femmes. Et après la prière, il y a une femme qui va effectuer le plus grand repentir, donc patientez, elle va se convertir à l'islam inshallah ta'ala. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعاديات ضبحا

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم شهادة نرجو بها النجاة في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، donc il y a une femme qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce et sa miséricorde, a guidée dans cette mosquée afin d'accomplir le plus grand repentir. Le fait de sortir et le fait de se sauver des ténèbres et de la perversion, du polythéisme, de la mécréance, de l'égarement et de l'ignorance pour sortir vers la lumière, la science, la sagesse, la droiture et la perfection de l'islam, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour ce faire, il lui faut prononcer une parole, celle pour laquelle Allah a créé l'ensemble des cieux et de la terre, et celle pour laquelle il nous a créés, celle pour laquelle il a créé le paradis et l'enfer, celle pour laquelle il a mis la balance yawm al-qiyam. Cette parole, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ashhadu an la ilaha illallah, cela signifie le fait de renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, puis affirmer ce droit uniquement pour Allah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Et le sens de Ashhadu anna muhammadan rasulullah, je témoigne que Mohammed est le message d'Allah, c'est le fait de reconnaître que c'est le serviteur d'Allah, mais c'est aussi son message et qu'il a reçu la révélation. La personne, en prononçant cette parole-là, rentre dans l'islam. Elle doit renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah, puis affirmer ce droit uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaître aussi la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle va répéter après moi en élevant sa voix. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah. On annonce la bonne nouvelle à cette femme qui vient entrer dans l'islam, qui vient d'entrer dans l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ama alimta ya amr anna al-islam yadubu ma qabla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend dans ce hadith que l'islam efface tous les péchés passés. Et celle qui prononce cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala la préserve et lui permet de rentrer au paradis si elle meurt sur cela. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولها التوفيق والسداد والحمد لله الذي بيتتم الصالحات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. Thank you.